cherche sa précisive. Vous n'avez pas vu ma cousine? Comment? Elle est dans la salle? Oh, je dirais bien par la trouver. Je n'ai pas d'un grenier dans mon ange, des bijoux, vous n'avez plus, car sans moi, y'en a de rechange. Et si vous étiez bien vu, si c'était tout mon trésor, ou que c'est une attitude en or, je cherche après Titine, Titine, ah Titine, je cherche après Titine, et je ne l'attends pas, je cherche après Titine, Titine, ah Titine, je cherche après Titine, et je ne l'attends pas. Je cherche après Titine, et je ne l'attends pas. Je cherche après